Mon nom c'est Gerardo Ferberet et je suis professeur de biochimie à l'Université de Montréal. Alors on se trouve dans mon bureau au département de biochimie de l'Université de Montréal. On est le mois d'octobre. On est le mois de septembre. Alors je vais vous parler de la recherche sur le vieillissement et quelle est l'approche que mon laboratoire suit. Le vieillissement, on peut l'étudier de plusieurs façons. Et bien sûr, il y a deux grandes questions. La première question, c'est, et je pense que c'est la plus importante, comprendre c'est quoi le vieillissement du point de vue biologique. La deuxième question, est-ce que le vieillissement humain, est-ce qu'on peut avoir une influence et on peut améliorer la vie des personnes âgées, on peut éliminer les maladies associées au vieillissement et on peut peut-être prolonger la vie. La question biologique, bien sûr, ça va nous donner des pistes pour comment aller après influencer sur la problématique humaine. Alors, c'est valide d'étudier le vieillissement dans plusieurs organismes modernes. Donc, les plus populaires sont la levure, qui est un organisme très simple, unicellulaire. Le ver C. elegans, qui est un organisme un peu plus complexe, mais que la durée de vie c'est juste de 3 semaines. Et la mouche, qui est à peu près semblable à C. elegans. Ensuite, après, on a un grand gap en ce qui concerne aux organismes modèles dans la science moderne, et on saute de la mouche à la souris. Et la souris, c'est un organisme très utilisé parce qu'il y en a d'abord beaucoup de monde qui l'utilise et elle peut se reproduire assez vite aussi, alors ça génère toutes sortes de commodités pour le faire. Et il y a toute l'expérience clinique sur les êtres humains, mais là, les êtres humains, c'est un organisme, c'est très difficile à faire des études qui vont nous donner une idée des causes. Tout ce qu'on peut faire avec les humains, c'est faire des études de corrélation. Alors, l'approche la plus directe, c'est étudier quels sont les facteurs, les interventions nutritionnelles ou les mutations génétiques qui vont changer la durée de vie dans les organismes modèles. C'est ça que la science a fait pendant les dernières 30 ans chez la levure, les vers et la mouche, et on a trouvé plusieurs pistes, plusieurs voies génétiques qui vont influencer le vieillissement. Est-ce que ça s'applique aux humains? On ne sait pas encore, certainement. Une approche totalement différente, c'est étudier les organismes humains ou mammifères qui sont très âgés et voir quels sont les biomarqueurs qui sont présents là, essayer de comprendre quelle est la mécanistique ou la base moléculaire de ça. Et c'est ça l'approche que mon laboratoire utilise. Alors, on part sur l'idée que s'il y a un vieillissement dans l'organisme, les cellules qui composent cet organisme vont vieillir aussi. Et ce processus de vieillissement cellulaire, on l'appelle la sénescence cellulaire. Et les études de sénescence sont relativement assez matures. Ça a commencé aux années 60, quand Leonard Hayflick avait constaté que les cellules humaines, quand on les met en culture, qu'on est capable de les propager en culture, ces cellules ne sont pas immortelles. Elles vont se diviser jusqu'à peu près plusieurs mois, ça veut dire en termes de division cellulaire à peu près 60 divisions, et après ils s'arrêtent. Et ça on l'appelle les limites de Hayflick, et on sait aujourd'hui que ces cellules arrêtent de pousser parce que les bouts de chromosomes appelés les télomères deviennent très courts. Et la cellule va penser qu'un télomère court c'est comme une espèce de cassure dans l'ADN. Et une cassure dans l'ADN est très bien connue, va déclencher une réponse caractéristique de la cellule, qui c'est une réponse au dommage à l'ADN, qui active plusieurs médiateurs de la suppression tumorale, comme une protéine qui s'appelle P104. Alors, là, on commence à voir qu'il y a une relation entre la sénescence cellulaire, le vieillissement en culture, le dommage à l'ADN et l'activation des voies de suppression tumorale. C'est comme si ces mécanismes de vieillissement cellulaire est là pour nous protéger du cancer. Ça, c'est un des concepts plus modernes dans dans les études du vieillissement. Beaucoup de gens en génétique les donnent un nom qui est vraiment horrible. Ça s'appelle l'antagonisme pléiotropique. Il Le vieillissement cellulaire nous protège du cancer parce qu'une cellule qui rentre dans ce programme de vieillissement, elle est plus capable de se diviser. Alors, une cellule qui est plus capable de se diviser ne va pas former un tumeur. Et c'est là ce qu'en génétique, on appelle l'antagonisme pléiotropique. Ça veut dire que ce vieillissement cellulaire, c'est probablement un programme qui a été évolué pour prévenir les cancers. Mais ce programme reste là, latent dans toutes nos cellules. C'est fort probable qu'avec l'âge et plusieurs dommages ou plusieurs problèmes génétiques qu'on a cachés dans notre génome, ce programme-là se réactive. Et cette réactivation dans plusieurs cellules, c'est ce qui va nous faire vieillir. Alors, d'un côté, ce programme nous protège, et un peu plus tard, le même programme nous fait vieillir. C'est la dualité de la vie. Le cancer, c'est un accident, c'est une maladie, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et c'est, je pense, la conséquence d'avoir choisi un style de vie où la régénération des cellules est importante. C'est la conséquence de pouvoir avoir des cellules qui sont capables de remplacer des cellules qu'on perd. Mais c'est ça aussi qui est derrière la grande longévité qu'ont les organismes comme, plus complexes, comme les amphibiens, les humains, les rongeurs. Des organismes simples comme la mouche et les vers, c'est des organismes qui ont un style de vie différent. Se divise pendant l'embryogenèse et dans l'organisme adulte, il n'y a pas de division cellulaire, ces organismes sont faits pour durer jusqu'à quelques semaines. Alors d'abord, c'est quoi la sénescence cellulaire? C'est un état de cellules où les cellules ont perdu totalement leur potentiel de division. Alors ces cellules ne peuvent pas se propager. Alors si on parle de cellules souches, ces cellules souches seront plus capables de régénérer un organe ou de régénérer des cellules qui sont perdues. Ça serait un mécanisme très important pour lequel le vieux organisme ne pourrait pas maintenir la physiologie normale. Mais les cellules sénescentes font plus que ça, parce qu'elles ne sont pas seulement incapables de se diviser, elles sont aussi dans un état d'inflammation permanent. Ces cellules ont perdu leur mécanisme qui contrôle l'expression de gènes des médiateurs d'inflammation. Ils sont une source de médiateurs d'inflammation incroyable dans de vieux organismes. Alors, c'est comme si on était en état d'infection permanent, mais ça serait une infection stérile. C'est ça ce qui arrive dans plusieurs maladies associées au vieillissement, que ces cellules qui sont vieilles sont là et ils sont en train de donner des signaux d'inflammation quand l'organisme n'a pas besoin de ces signaux-là. Alors, ces cellules sénescentes dérangent la physiologie de l'organisme âgé par ces deux mécanismes, manque de prolifération, sécrétion des médiateurs inflammatoires. Alors, une bonne chose, ça serait de les éliminer. Est-ce que ça serait possible de prolonger la vie ou d'améliorer les maladies associées au vieillissement si on élimine les cellules sénescentes? Je pense que oui. Et ça a été déjà démontré par une étude chez la souris, une étude bien sûr très artificielle où l'élimination des cellules sénescentes a été faite par un génie, par la génie génétique. Alors ça ne serait pas bien sûr applicable aux êtres humains, mais ça donne quand même le concept de que l'élimination des cellules sénescentes, ça serait quelque chose qui médicalement serait une révolution dans la façon qu'on traite plusieurs maladies aujourd'hui. Il y aura deux façons de le faire. Une façon serait de chercher pour des drogues qui vont tuer ces cellules. En ce moment, on sait que les cellules sénescentes envoient des dommages à l'ADN actif. On sait que ces cellules sont métaboliquement actives. Mais je pense que comprendre mieux ces cellules va nous donner des pistes où aller cibler ces drogues-là. Alors ça, c'est une des choses qu'on aimerait faire dans mon laboratoire. Une deuxième façon d'éliminer ces cellules, c'est de entraîner le système immune de les reconnaître et de les éliminer. Alors, ça, d'une certaine façon, ça a été montré déjà dans des modèles murins aussi, que dans quelques situations, les cellules sénescentes sont reconnues par le système immune et éliminées. Par contre, les bases moléculaires de cette reconnaissance ne sont pas connues. Les cellules du système immunitaire qui sont capables d'éliminer les cellules sénescentes ne sont pas encore très bien reconnues. Alors ça reste aussi un domaine de recherche très actif. Mais je pense que ça c'est un consensus dans le domaine que l'élimination de ces cellules, ça sera du point de vue médical très, très important. Troisième question importante est quelle est la relation entre les cellules senescentes et le vieillissement. Et ça, je pense que la recherche actuelle c'est plus clair. Dans n'importe quel modèle qu'on va étudier le vieillissement, on peut détecter ces cellules avec plusieurs biomarqueurs disponibles aujourd'hui. On peut voir ces cellules s'accumuler dans la peau, dans les foies, des organismes vieillissants, inclus les humains. Et aussi dans des maladies associées au vieillissement comme l'athérosclérose, plusieurs cancers. Alors, ces cellules, semble qu'on peut les détecter et ça serait souhaitable de les éliminer. Je vous parlais de télomère. Non? Le télomère, c'est une cause de sénescence cellulaire très importante, limitée aux primates. Oui, les télomères, c'est des séquences spécialisées qui sont au bout de chaque chromosome humain. De la façon que la nature a décidé d'organiser la production de l'ADN, c'est-à-dire la réplication de l'ADN, les enzymes qui font ça ne sont pas capables de copier l'extrémité des molécules d'ADN. Et à cause de ça, à chaque fois qu'une cellule se divise, on a toujours le risque de perdre un petit bout de chromosome. Bien sûr, la vie serait impossible si le système vivant n'aurait pas trouvé une solution à ce problème. Et il y a plusieurs solutions dans l'arbre de la vie. Et la plus simple, c'est les bactéries qui sont des chromosomes circulaires. Alors, pas de bout, pas de problème de réplication des extrêmes. Alors, les bactéries ne perdent pas de morceaux d'ADN. Mais les organismes plus complexes n'ont pas de chromosomes circulaires, c'est des chromosomes linéaires. Alors, ils ont le problème de réplication des extrêmes. Et là, la solution, c'est les séquences de télomères. C'est des séquences qui sont des séquences répétées, qui ne codent pas spécifiquement pour une fonction déterminée autre que remplir l'extrémité du chromosome. Ils sont ajoutés par une enzyme qui s'appelle la télomérase. Alors, à chaque fois qu'une cellule se divise, elle perd un petit bout de chromosome et la télomérase va le remplir. Et ça, c'est un jeu qui se fait à chaque division. Alors, on peut dire, on pourrait vraiment, si on a cette enzyme télomérase tout le temps active, il n'y aura pas de vieillissement des cellules par ce mécanisme-là. Par contre, il y a toujours les dangers du cancer. Alors, des organismes comme les humains, les primates en général, ont décidé quelque part dans la révolution d'avoir la télomérase seulement active pendant l'embryogenèse et dans les cellules souches et réprimer l'expression de télomérase pendant la vie adulte. Ce qui fait qu'on n'exprime pas la télomérase et à chaque fois que nos cellules se divisent, on perd un petit bout de chromosome. Comme les cellules dans un organisme adulte n'ont pas besoin de se diviser beaucoup, ça, ce n'est pas un gros problème. Par contre, si on a une cellule qui va former un cancer, il faut qu'il se divise beaucoup. Alors, ce manque d'expression de télomérase nous donne une protection contre des cellules qui vont se diviser trop. Parce que, dans un moment donné, les télomères vont devenir courts et vont activer les mécanismes de sénescence. Alors, mais ces mécanismes de télomères courts et sénescence sont seulement présents chez les primates. Alors, c'est un mécanisme de sénescence, c'est un mécanisme de vieillissement actif chez les primates. On ne peut pas expliquer, par exemple, le vieillissement chez la souris à cause d'un raccourcissement de télomères. La souris, les télomères sont plus longs que les télomères humains, expriment la télomérase toujours, alors... pourquoi les souris vont vivre 12 ans et les humains 65 ans, ça reste un des grands énigmes. Est-ce que c'est fortement possible que la sénescence cellulaire soit à la base du vieillissement des 12 espèces, mais pas le télomère? Il y a d'autres causes de sénescence, dont les stress oncogéniques. En général, il y a toujours cette relation. Un stress oncogénique déclenche ces programmes de sénescence. Alors, une grande question qu'on s'est posée toujours, c'est comment la cellule savent qu'il y a un stress oncogène. Les dernières années, la découverte plus importante qui est venue de mon laboratoire, c'est exactement ça. On a découvert comment un stress oncogénique déclenche un programme de sénescence. Et le mécanisme est vraiment très beau. Toutes les protéines qui sont capables de transformer une cellule, une cellule normale, une cellule cancéreuse, ils font ça parce qu'ils vont activer des voies de signalisation cellulaire. Et toutes les voies de signalisation cellulaire comportent des mécanismes de phosphorylation de protéines. Alors, normalement, on a des protéines qui sont capables de phosphoryler d'autres protéines, ça s'appelle des protéines kinases. Et il y a des protections ou des mécanismes de contrôle de phosphorylation qui sont médiés par des protéines phosphatases, qui vont déphosphoryler les protéines qui ont été phosphorylées. Alors, il y a toujours un équilibre entre kinases et phosphatases. Quand il y a une signalisation, il va y avoir un augmentation des protéines kinases de façon transitoire. On a un signal qui se propage et après ce signal va être terminé par les phosphatases. Quand il y a un stress oncogénique qui déclenche la sénescence, le mécanisme de kinase est de façon aberrante actif très fortement et pendant longtemps. Et ce qu'on a découvert, c'est que cette activation de la phosphorylation de protéines pendant longtemps déclenche un mécanisme de dégradation de protéines qui élimine plusieurs protéines importantes pour la cellule. Et c'est ça la clé de la sénescence. Et ça arrive même quand on a des télomères courts. Alors, cette hyperactivation de kinase, c'est à mon avis le mécanisme général qui explique pourquoi une cellule vieillit. C'est en fait, une cellule vieillit parce que l'activation aberrant et excessif de protéines kinases amène à l'élimination, à la perte de protéines essentielles pour la fonction. Et vous comme ça, on voit que le vieillissement, c'est alors une conséquence, le vieillissement cellulaire, mais je pense que le vieillissement au niveau de l'organisme aussi, c'est une conséquence d'avoir trop de stimulation d'une cellule. Alors, je vois le vieillissement comme la conséquence d'un excès. Et cet excès nous amène à un manque. Mais le tout début, c'est l'excès de signalisation. C'est ça la grande découverte qu'on a fait de New York. Oui, on peut te dire la sensation sans te dire le cancer. Dans mon parcours, j'ai commencé avec le cancer et j'ai tombé sur la sénescence. Mais dans mon laboratoire, on fait les deux choses. Mais il y a plusieurs laboratoires qui se spécialisent dans la sénescence cellulaire sans l'essence d'étudier le cancer. Et ça dépend du laboratoire, mais en général, je pense que le concept important, c'est l'idée que quand les signaux normaux deviennent excessifs, vont déclencher ce programme de sénescence de façon aberrante et ils vont finir pour faire vieillir un organisme. C'est la grande question reste comment ça arrive pendant la vie d'un être humain. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui va avoir une mutation dans une cellule, déclenche le programme de sénescence, ces cellules sénescentes, mais ces cellules sénescentes pourraient être éliminées par le système immune, alors cette cellule ne va pas contribuer au vieillissement. Pour que ça contribue au vieillissement, il faut que ces cellules s'accumulent en grand nombre. Ce qu'on sait qu'ils s'accumulent, parce qu'on peut mesurer qu'il y a beaucoup de cellules sénescentes dans les organismes vieillissants. Pourquoi elles s'accumulent? Parce que la signalisation cellulaire change avec l'âge, de façon qu'on commence à avoir plus de cellules capables de générer des signaux aberrants. On sait que le système immune diminue la fonction et on commence à avoir des défauts d'élimination de ces cellules, de sorte que ces cellules s'accumulent. Alors, on ne sait pas exactement la réponse à ça, mais ça, c'est des choses qui devraient être dans l'agenda futur pour comprendre la sénescence. Il y a beaucoup plus de subventions pour le cancer et pour l'Alzheimer que pour les gens qui étudient le vieillissement de base. Alors, et on ignore le fait que l'Alzheimer, le cancer, la diabète, les maladies du corps, l'athérosclérose, toutes ces maladies-là augmentent la fréquence. C'est très difficile de voir à quelqu'un qui est jeune avec ces maladies-là. L'âge, c'est le facteur de risque le plus important pour toutes ces maladies-là. Et on ne comprend pas ça. On ne sait pas pourquoi. Je pense comprendre pourquoi il y a le vieillissement et les mécanismes de vieillissement, ils vont nous approcher beaucoup plus vite à prévenir ces maladies-là. Même, je pense, plus vite que si on étudie ces maladies-là, car les gens sont déjà malades. Je pense qu'on apprend beaucoup des organismes modèles. Je pense que les organismes modèles ils nous donnent des choses qui sont précises. Les outils disponibles chez les vers et la mouche sont incroyables, sont très précis et ils vont nous permettre d'abord de répondre à la question la plus importante, que c'est quoi le vieillissement, quelle est la base génétique, pourquoi on vieillit. Et je pense que pour répondre à ces questions-là, les organismes modèles vont être à l'avant-garde de la recherche. Il y a toujours le danger que les choses qu'on va trouver chez les organismes modèles, on ne peut pas les appliquer exactement aux humains. Mais le vieillissement est un énigme aussi grand qu'on n'est pas encore dans ce moment-là qu'on peut dire qu'il faut travailler chez l'humain parce qu'on a déjà appris chez les organismes modèles tout ce qu'il fallait apprendre. Non, je pense qu'il faut comprendre avant de se lancer chez les humains. Et moi, je l'ai dit, même si moi je travaille chez les humains, mais je reconnais que les organismes modèles, pour les années à venir, ça reste la priorité. Je suis content quand les choses convergent vers des mécanismes communs. Ces mécanismes de dégradation de protéines qui ont été découverts dans mon laboratoire, on vient de les découvrir avec notre système modèle et j'aimerais bien voir si ça se valide dans un organisme modèle. Alors, bien sûr, oui, je pense qu'il devrait toujours avoir une relation entre des gens qui utilisent des organismes modèles, des gens qui utilisent des cellules humaines comme moi, des cellules primaires humaines, et éventuellement voir qu'est-ce qu'il y a en commun. À la fin, c'est chaque laboratoire fait un petit grain pour les biens communs.